Chapitre 9. Les estimations du capitaine Weser étaient bonnes. Leurs torpilles lâchées, les sous-marins durent faire demi-tour. Se porter au secours de l'Almoa les avait amenés à l'extrême limite de leur rayon d'action, si bien qu'ils ne pouvaient s'attarder sous peine de tomber en panne de carburant avant d'avoir rejoint leur base. Le bombardement auquel ils se livrèrent répondait moins à un désir de représailles qu'à la nécessité de s'alléger pour rentrer à bon port en mettant toutes les chances de leur côté. Le U-boat fit surface. Accompagné de Ziegfeld, Weser grimpa dans la baignoire et fit le tour d'horizon au moyen de puissantes jumelles à ailes. Propulsé par ses diesels, le submersible gagna l'emplacement exact où s'était abîmé l'Almoa et s'immobilisa à la verticale de l'épave. C'est maintenant que commence la partie délicate, grogna l'officier engoncé dans son ciré ruisselant. La carcasse gît par 25 mètres de fond, sous nos pieds. Je ne peux pas me permettre d'imposer à mes hommes de longs paliers de décompression. Un avion peut surgir à tout moment ou un destroyer ennemi. Si cela arrivait, je devrais ordonner une plongée rapide, et mes gars, bloqués sous l'eau par les nécessités de la décompression, se retrouveraient dans l'impossibilité d'embarquer. Je serais forcé de les abandonner. Ce n'est pas envisageable. Pour être en mesure de remonter en catastrophe, sans palier, les plongeurs ne devront pas rester plus de 20 minutes en bas. C'est court, surtout s'ils doivent s'ouvrir un chemin à travers un labyrinthe de tôles froissées. Ziegfeld hocha la tête. Peu de temps avant de faire surface, il avait étalé sous les yeux du capitaine les documents repérés dans la valise d'Ethel Pumper. Le plan du vaisseau, bien sûr, la situation de la cale, mais aussi le descriptif de chaque caisse. Les bijoux de la couronne avaient été répertoriés sous un matricule précis, imprimés sur la caisse inoxydable, étanche, qui les protégeait. Nantis de ces précieux renseignements, les plongeurs ne seraient pas réduits à chercher en aveugle. C'était toujours ça. Weser baissa la voix pour ajouter « Visiter une épave qui vient de couler est un sale truc, très éprouvant pour les nerfs. La carcasse est remplie de cadavres qui flottent dans les coursives, dans les soutes, et que les bestioles marines ont déjà commencé à dévorer. Quand l'un d'eux surgit dans la lumière d'une lampe, il y a de quoi perdre son sang-froid, même pour un gars endurci. Je sais de quoi je parle. Quand on est au fond, perdu dans l'obscurité, seul dans le ventre d'une épave, de drôles d'idées vous passent par la tête. On devient perméable aux fantasmes, aux contes de bonnes femmes. Vous parlez d'histoires de fantômes ? Oui. Il y a de ça. Tous ces morts qui flottent autour de vous, qui se cognent à vos jambes, dont les mains frôlent votre masque, vos bouteilles, est-ce qu'ils n'auraient pas envie de se venger, par hasard? Parce que c'est à cause de vous qu'ils sont là, n'est-ce pas? Quand on est bien au sec, tout cela paraît absurde, bien sûr, mais ces belles certitudes se dissolvent par 25 mètres de fond. Je me mets à la place de mes gars, je sais qu'ils vont en baver. Ce sont des braves. Ils ne reculent jamais devant l'ennemi, pourvu que cet ennemi soit humain. Dès qu'on entre dans le domaine de la superstition, tout change. Élevant les oculaires des jumelles à la hauteur de ses yeux, il fit un nouveau tour d'horizon. Et puis, reprit-il avec une légère réticence, il y a les requins. Les cadavres qui flottent dans les flancs de l'Almoa vont les attirer, c'est inévitable. Beaucoup de corps ont été déchiquetés par les tôles, ils ont saigné. Les squales repèrent l'odeur d'une hémorragie même minime à 10 kilomètres à la ronde. Nous n'allons pas tarder à voir leurs ailerons fendre les vagues. Pour l'instant, l'onde de choc des torpilles les tient encore à l'écart. Ça ne durera pas. Vous ne disposez pas de poudre répulsive ? S'étonna Ziegfeld. J'ai entendu dire que les Américains avaient mis au point une substance qui... Foutaise ! Cette saloperie ne fonctionne pas, gronda Weser. C'est comme si vous pissiez dans la mer. Les requins s'en foutent. Il se détourna pour lancer des ordres. L'écoutille de proue fut déverrouillée. Des matelots se hissèrent sur le pont, suivis d'un plongeur en combinaison de caoutchouc gris, sur le dos duquel on assujettit de grosses bouteilles. L'homme cracha dans son masque, puis se laissa glisser dans l'écume. On l'avait au préalable encordé. Le filin servirait à hisser la caisse qu'il avait pour mission d'extirper de l'épave. Ziegfeld déglutit. Il n'aurait pas voulu se trouver à la place du pauvre type. C'était d'ailleurs à ce genre de réaction qu'il mesurait son vieillissement. Jadis, bourré d'hormones et aiguillonné par la proximité du trésor, il n'aurait pas fallu insister pour qu'il plonge en slip de bain un couteau entre les dents. À ses côtés, Weser déclencha son chronomètre. « Je dispose d'une réserve limitée d'équipements de plongée, dit-il. En fait, nous n'avons que 6 scaphandres autonomes à bord. Cela ne signifie pas pour autant que 6 de mes marins aient reçu une formation de plongeur. Loin de là, seulement 3 d'entre eux sont brevetés et ont participé à la pose de mines magnétiques. Les autres sont novices en ce domaine. Si je dois les mettre à contribution, ils feront de leur mieux, bien sûr, mais il faut s'attendre à des cafouillages. » Il se tut, conscient d'étaler ses rancœurs devant un membre de l'amirauté susceptible de lui coller un rapport défavorable. Le silence s'installa. Comme Ziegfeld, il imaginait par la pensée le trajet de l'homme grenouille descendant vers l'épave, énorme, dressé sur le haut fond corallien, telle une sculpture barbare sur un socle de marbre blanc. Tout autour de l'ancien volcan sous-marin, c'était l'abîme. Un napic vertigineux de 1500 mètres. Les ténèbres des abysses où végétaient des poissons monstrueux rescapés des premiers âges. Des bêtes caparaçonnées, aveugles, aux gueules terrifiantes. Un univers de terreur où l'homme n'aurait jamais sa place. Si l'épave glissait du plateau pour tomber dans ce gouffre, la pression écraserait sa coque, la réduisant en une boule de ferraille inidentifiable. Weser frissonna. Les embruns giflaient la baignoire. « Quand les premiers requins se montreront, dit-il d'une voix assourdie, nous tenterons d'en abattre quelques-uns au fusil mitrailleur. Dès qu'ils commenceront à saigner, leurs congénères se jetteront sur eux pour les dévorer. Ça créera une diversion. » Au bout d'une 20aine de minutes, le plongeur remonta, porteur de mauvaises nouvelles. L'almohade s'était cassée en deux, mais ce n'était pas tout. En heurtant le plateau sous-marin, il l'avait fendu, fragilisé. Le sommet du cône qui servait de socle à l'épave se désagrégeait déjà. « Du corail, haleta-t-il, de la pierre ponce. Ça s'émiette comme du plâtre mouillé. Je pense que la proue ne va pas tarder à basculer dans le gouffre. Il faut faire vite. » Mais il est difficile d'accéder à la soute au trésor, les ponts se sont effondrés, c'est un vrai labyrinthe de ferraille là-dedans. C'est bien Kirk, lâcha Weser. Beau travail de repérage. Il va falloir tout de même y aller, tu le sais bien. Je sais, capitaine, fit l'homme. Je passe l'équipement à mon remplaçant. Ziegfeld ne fut pas surpris. Il savait qu'un plongeur resté sous l'eau jusqu'à la limite de tolérance ne pouvait pas replonger immédiatement. Il devait marquer une pause pour laisser à son organisme le temps d'évacuer les gaz absorbés. Dès lors, les plongeurs se succédèrent, chacun remontant dès qu'il avait atteint la limite de son temps d'immersion. En dépit de ce travail à la chaîne, aucun d'eux n'avait encore réussi à trouver le chemin de la cale au trésor. Ziegfeld commençait à enrager. Comme il fallait s'y attendre, les premiers ailerons firent leur apparition, décrivant des cercles concentriques au-dessus de l'épave. Pour les amener à s'approcher du U-boat, Weser fit jeter de la viande avariée, puis, quand l'escouade fut à bonne distance, ordonna à l'un des matelots d'ouvrir le feu. « Il n'est pas facile de les toucher, grogna-t-il. L'eau diminue de beaucoup la portée des projectiles, et puis ces salauds ont le cuir épais. Ils peuvent encaisser plusieurs balles sans rien perdre de leur vélocité et sans lâcher une goutte de sang. » Le stratagème finit néanmoins par fonctionner. Un requin qui laissait derrière lui un mince sillage rougeâtre devint la proie de ses congénères. Un carnage s'ensuivit au cours duquel plusieurs squales se blessèrent. Weser mit cette diversion à profit pour donner le signal d'une nouvelle exploration. Le temps pressait. Si l'épave basculait dans la faille, il faudrait rentrer à Berlin les mains vides. Et, à côté de la colère du Führer, celle des requins était négligeable. Or, le capitaine n'avait aucune envie de se retrouver pendu à un croc de boucher pour haute trahison. Soudain, le filet noué autour de la taille du plongeur fut agité de soubresauts suspects. On se dépêcha de le haler. Hélas, quand l'homme fut hissé sur le pont, on s'aperçut qu'il avait été amputé des deux jambes à mi-cuisse. L'hémorragie massive avait entraîné un arrêt cardiaque. La rage au ventre, Eric Weser décida de suspendre les recherches jusqu'au lendemain. Confinés dans la cale, Amy et Sharon n'avaient suivi le déroulement des événements qu'au travers des commentaires chuchotés par les matelots. Le drame prévisible ne les avait nullement surprises. La soirée s'écoula dans une atmosphère lugubre et Amy remarqua que les hommes évitaient de les regarder, l'enfant et elle, lorsqu'ils devaient les frôler pour une raison de service. « Je n'aime pas ça, » chuchota-t-elle. « Ils sont tous pourris de superstition. D'ici à ce qu'ils se mettent dans la tête que nous sommes responsables de leur malheur, il n'y a qu'un pas. » « Ils nous prennent pour des sorcières ?» s'étonna Sharon. « C'est un peu ça, oui, » soupira Amy. Les marins détestent embarquer des femmes à bord de leur navire. Ils ont également peur des lapins. Ils ne prononcent jamais le nom de cet animal lorsqu'ils sont en mer. Ne pas respecter cet interdit déclenche les pires catastrophes. Du moins, se l'imagine-t-il. C'est idiot. On n'y peut rien. Le danger rend les gens crédules. Tard dans la nuit, les hommes chuchotèrent entre eux, ce qui parut à Amy de mauvais augure. Si le haut fond pouvait s'écrouler, se prit-elle à souhaiter, la mission s'arrêterait là, et le U-boat n'aurait plus qu'à regagner son port d'attache. Une fois à terre, bien sûr, il faudrait se débrouiller pour fausser compagnie à ces gens. Et ce ne serait pas facile, surtout en pays étranger et les poches vides. Weser et Hortz passèrent la nuit à s'enivrer au schnapps. Comme beaucoup de marins, le capitaine jouissait d'une remarquable résistance à l'alcool. Flairant le danger, le vieil homme redoubla de vigilance et joua la comédie de l'ivresse pour dissimuler qu'il ne vidait qu'un verre, là où Weser en sifflait trois. Par ailleurs, il se méfiait. Cette beuverie pouvait n'être, après tout, qu'un interrogatoire déguisé, un moyen de vérifier ses antécédents. Il lui sembla qu'à deux ou trois reprises, son interlocuteur lui tendait des pièges. Le gros Otterget était-il toujours en poste ? La très remarquable Greta Grund était-elle encore secrétaire de l'amiral Bund ? Hortz était trop astucieux pour tomber dans le panneau. Il répondait invariablement « Je n'ai pas de contact avec le personnel de l'amirauté, je fais partie d'une section secrète dont l'antenne siège à la chancellerie. Mais peut-être connaissez-vous Franz Krüger et Frida Grund qui dirigent la branche des services de renseignement ? Ils sont très actifs au parti. Je m'étonne que vous ne les ayez jamais rencontrés. » Par de semblables réparties, il laissait entendre à Eric Weser qu'un petit capitaine de sous-marin ne pouvait se prétendre dans le secret des dieux. N'empêche, comme toute démonstration de haute voltige, c'était là un exercice dangereux. Ils dormirent 2 heures sur le matin. Weser ayant fait circuler une bouteille de schnapps, les hommes s'étaient saoulés. C'était contraire à la prudence. Mais il fallait faire oublier l'horrible accident de la veille. À l'aube, le Bosco vint trouver Weser pour le prier, au nom de l'équipage, de reporter la cérémonie d'illumination du plongeur coupé en deux. Les gars pensent que si on lui rend les derniers honneurs à l'endroit où nous nous trouvons, sa dépouille servira de casse-croûte aux requins avant même d'avoir touché le fond. Ça leur déplaît. Weser accepta. En dépit de l'effroyable quantité d'alcool ingurgité au cours de la nuit, il était en état d'assurer ses fonctions. « Dès que les gars auront mangé, annonça-t-il au maître de manœuvre, on reprendra les choses où on les a laissées hier. » « C'est dommage, Hutz, je suis bien d'accord avec vous, mais nous avons une mission à remplir. » Le Führer compte sur notre dévouement. Il ne s'agit pas d'un travail de routine. Songez que la capitulation de l'Angleterre dépend peut-être de nous. » Hutz salua, raide, ce qui était inhabituel dans le milieu des sous-mariniers où le protocole militaire n'était guère observé. Alors qu'il enfilait son ciré pour gagner la baignoire, Weser glissa dans sa poche une petite figurine de porcelaine dorée en forme d'hippocampe qui trônait sur une étagère. Hortz surprit son geste et comprit que le capitaine du U-boat venait de s'équiper d'un porte-bonheur. Les matelots, eux, chaque fois qu'ils devaient gagner le pont, touchait une espèce de poupée de chiffon baptisée Lily, suspendue par une ficelle à une canalisation. Le rituel consistait à glisser la main sous sa jupe en répétant 3 fois de suite « Cochonnerie, cochonnerie, cochonnerie ». D'emblée, les choses se passèrent mal. Il y avait beaucoup de requins, beaucoup trop. La présence des cadavres coincés dans l'épave les rendait fous. Comme la veille, on essaya d'en blesser certains. Hélas, le miracle ne se renouvela pas, car les squales ayant deviné les intentions des humains se tinrent à l'écart du bâtiment. En outre, la mer étant houleuse, il était difficile pour les tireurs d'ajuster correctement leurs tirs. On brûla nombre de cartouches sans obtenir de résultats. Comme il fallait tout de même explorer l'épave, Weser demanda aux hommes de se porter volontaires ou de procéder entre eux à un tirage au sort. C'était la seule concession qu'il pouvait leur accorder. Un marin fit un pas en avant et se saisit de l'équipement étalé sur le pont. Dès qu'il fut harnaché, il se laissa couler, une lampe dans une main, un harpon dans l'autre. Ses camarades se signèrent en le regardant disparaître. En cas de mauvaise rencontre, le harpon ne lui serait d'aucun secours. Les requins sont insensibles à la douleur. On en a vu qui, coupés en deux, continuaient tranquillement à manger. Les plongées se succédèrent à un rythme effréné, chaque nageur disposant d'une dizaine de minutes pour dégager le passage menant à la cale. On ne pouvait procéder autrement. Rester plus longtemps immergé à 25 mètres aurait nécessité le respect d'interminables paliers, ce qui, en présence des requins, aurait tourné au suicide, l'escouade ne manquant pas de s'intéresser à cet humain immobilisé entre deux eaux, tel un appât installé là pour leur ouvrir l'appétit. Dès lors, Weser n'avait plus le choix. Contraint de multiplier les rotations, il ne pouvait se contenter d'avoir recours aux seuls plongeurs brevetés. Tous les marins devraient apporter leur contribution aux recherches. C'est alors qu'Camille et Sharon virent s'avancer leurs premiers visiteurs. Dans la pénombre de la cale, les matelots s'approchèrent de la paillasse de Varec sur laquelle elle patientait et s'agenouillèrent cérémonieusement, comme devant un autel. Puis, avec des gestes embarrassés, ils tendirent à Sharon qui une médaille, qui un objet fétiche. Clés, pièces trouées, boutons d'uniforme astiqués. « Ils veulent que tu touches leur porte-bonheur, » expliqua la jeune femme à l'enfant. « Ils espèrent l'imprégner de ton pouvoir. »« Je veux bien, » fit la fillette, « si ça peut leur faire plaisir. » « C'est risqué. Si ça ne marche pas, nous cesserons de les impressionner. De toute manière, je ne peux pas refuser. » Levant la main, Sharon effleura du bout de l'index les babioles proposées à sa bénédiction. Les matelots tressaillaient chaque fois que ses doigts effleuraient les leurs. Puis, ils inclinaient la tête en signe de remerciement et s'en allaient participer au tirage au sort. Au milieu de la matinée, il y eut un nouvel accident. Un plongeur se fit arracher le bras gauche. On essaya de le remonter, mais le sang s'échappant du moignon attira les squales en maraude. Ce fut la curée. On ne réussit à récupérer que le bloc respirateur auquel était attaché le filin. Lorsque les bouteilles d'oxygène émergèrent, elles étaient déformées par les morsures, criblées d'indentations. Weser vomit un flot d'injures. « Si je ne craignais pas les représailles du Führer, avoua-t-il à Hortz, j'adresserai des prières aux dieux de l'océan pour que l'Almoa glisse dans les abîmes. Mais ce serait du suicide. Si nous rentrons les mains vides, on pourrait nous accuser d'avoir mis le trésor de côté pour notre usage personnel. Vous savez comme les gens des services de renseignement sont soupçonneux. » Il n'avait pas tort. Ziegfeld pensait lui aussi qu'un échec éveillerait la méfiance. Lors de telles récupérations, il est parfois difficile de résister à la tentation. Du fond de son réduit, Ami surprit une conversation entre deux matelots. « La gosse a touché la médaille de guerre, » chuchotait l'un d'eux, « et il a plongé sans rencontrer un seul requin. Franz, lui, avait refusé d'aller voir la petite sorcière, comme il disait, et il est resté coincé dans l'épave où il s'est cisaillé deux doigts sur une tôle. La gamine possède un pouvoir, c'est certain. Elle peut écarter le mauvais œil. » La nouvelle ne tarda pas à se répandre. Le soir même, une étrange procession se forma. Les hommes, cérémonieux, apportèrent de menues offrandes à Sharon. Des biscuits, des friandises, un objet jugé joli, une image, une vignette découpée dans une revue. La fillette acceptait ce tribut en inclinant la tête, jouant à la perfection son rôle de pitié. Quand les marins se furent retirés, elle cassa une plaque de chocolat pour entendre la moitié à Ami. « Tiens, gloussa-t-elle, le salaire du diable. »« Il n'y a pas de quoi rire, » grommela la jeune femme. « Nous jouons avec le feu. »« Moi, j'y crois, » affirma Sharon, sans qu'on puisse déterminer si elle plaisantait. « J'ai toujours su que j'étais une sorcière. » Le repas eut peu de succès. La peur nouait les estomacs. Ceux qui avaient eu la chance de remonter intacts racontaient à voix basse ce qu'ils avaient vu en bas. « Il y a des requins partout », expliquait un certain Ferdi. « Même à l'intérieur de l'épave. Tu peux en rencontrer un au détour d'une coursive. Tu es là, occupé à remonter un couloir, et d'un seul coup, tu te retrouves face à une gueule énorme. J'ai échappé de justesse à l'un d'eux en me planquant dans une cabine. J'ai filé par le hublot au moment où cette saleté de bestiole défonçait la porte à coups de museau. Et puis il y a les morts. L'équipage du cargo, les passagers, les squales les ont à moitié bouffés, si bien qu'on voit flotter des bras, des jambes, des têtes. Ça vient droit sur toi au gré des courants, ça te cogne le visage. C'est dur, très dur. Tu ne peux pas t'empêcher de regarder par-dessus ton épaule. En plus, l'épave n'arrête pas de bouger. Elle glisse le long du plateau, mètre par mètre. Malheur à celui qui sera dedans quand elle basculera dans la faille. Un long silence succéda à ces propos. Par bonheur, le lendemain, les plongeurs réussirent à forcer la porte de la cale au trésor. Le chargement avait rompu ses amarres, mais ils parvinrent sans trop de mal à localiser la caisse contenant le trésor de la couronne. Après vérification, on l'attacha au filin. Lorsqu'elle creva la surface, des hurlements de triomphe saluèrent son apparition. Hortz, debout dans la baignoire, poussa un soupir de soulagement. Weser fit descendre le conteneur au carré des officiers et ordonna aux matelots de le forcer. Ziegfeld sentait des fourmillements d'impatience lui parcourir bras et jambes. Et s'il s'agissait d'un leurre, songea-t-il, un trésor de pacotille destiné à nous égarer sur une fausse piste? La caisse étanche anti-choc résista avec opiniâtreté. Il fallut utiliser levier et cisaille pour l'ouvrir. Enfin, une fois les multiples emballages éventrés, la couronne, le spectre et le pectoral scintillèrent sous la rampe d'éclairage. Ce sont bien les bijoux de la tour de Londres, s'enquit Weser avec anxiété. Heureusement non, ricana Ziegfeld. Ceux de la London Tower sont faux. De la pacotille destinée à éblouir les touristes naïfs. Ceux-ci sont vrais. Ses mains tremblèrent lorsqu'elles saisirent les célèbres joyaux. Son œil exercé scrutait les pierres précieuses, sondant leur eau parfaite. Des spéculations échevelées se bousculaient sous son crâne. Était-il préférable de dessertir les pierres pour les vendre une à une ou de prendre contact avec les Britanniques afin de négocier un rachat global? L'ennui avec les Anglais, c'est qu'ils tenteraient inévitablement de l'arnaquer et de récupérer le trésor sans débourser un penny. Il sentit que Weser le regardait et s'évertua au calme. « Beau travail !» se dépêcha-t-il de bredouiller. « Un exploit magnifique. Je le mentionnerai dans mon rapport. Vous êtes tous d'ores et déjà des héros. » Des sourires se dessinèrent sur la face rude des matelots. « Il faut fêter cela, » décida Weser en débouchant un flacon de schnapps. On alla chercher des quarts métalliques. L'alcool glouglouta. L'horreur des deux derniers jours était oubliée. Au moment où le capitaine levait son gobelet pour porter un toast, un cri d'alerte tomba de la baignoire. « Un avion, un avion ! Il nous a repérés et il vient droit sur nous !» Abandonnant le trésor sur la table des cartes, les hommes se précipitèrent au poste de plongée. « Fermez les écoutilles, hurla Weser. Plongez rapide, en avant toutes. Remplissez les ballasts. » L'heure était grave. Il suffisait d'une rafale bien placée, d'une bombe de surface, pour endommager le submersible. Ziegfeld lâcha un horrible juron. C'était injuste, si près du but. La guigne avait-elle décidé de s'acharner sur eux? Pour échapper au tir de surface, il fallait s'enfoncer le plus bas possible en un temps très court. Le danger d'un tel angle de pénétration, c'est qu'il rendait difficile la remontée du submersible et sa stabilisation. Il arriva que le bâtiment tomba en piqué, tel un avion abattu en plein vol. Aspiré par les profondeurs, il s'enfonçait à une vitesse folle, ne répondant plus aux commandes qui, la pression aidant, cessaient l'une après l'autre de fonctionner. Le plancher se dérobant sous les pieds des matelots, il fallut bientôt s'accrocher aux tuyaux pour ne pas perdre l'équilibre et rouler en direction de la proue. Les ondes de choc des torpilles ne mirent pas longtemps à rattraper le U-boat qui fut secoué en tous sens. comme à l'accoutumée, des canalisations cédèrent, des circuits électriques grillèrent. Un matelot se fendit le crâne en heurtant un manomètre. Siegfried, lui, s'était couché sur la table des cartes pour empêcher les bijoux de la couronne de s'éparpiller sur le sol et de disparaître dans les trous de la dalle de circulation. La phrase que tout le monde redoutait retentit. « voie d'eau à bâbord. Évacuez Ordonnavezère. Verrouillez les portes étanches. » Le hubot était formé de sections qu'on pouvait isoler les unes des autres. Il était ainsi possible de confiner l'inondation dans un seul secteur. Mais le bâtiment s'en trouvait déséquilibré, ce qui l'empêchait parfois de remonter, ou le rendait aussi maniable qu'une épave. Que s'est-il passé, s'enquivait-elle ? Les canons de l'avion, lâcha Hutz. De petits obus perforants, ils ont troué le pont à la proue. Je crois que l'onde de choc a également faussé le gouvernail. Weser déploya son savoir-faire pour stabiliser le submersible à 200 mètres de profondeur. Les hommes durent courir s'entasser à la poupe pour faire contrepoids. L'eau embarquée perturbait l'assiette du bâtiment qui ne cessait de piquer du nez comme s'il voulait reprendre sa plongée interrompue. « On va attendre que le bombardier regagne sa base », annonça Weser. « Puis on chassera au ballast le moteur à pleine puissance pour remonter aussi vite que possible. » Puisse Dieu nous prêter main forte. Par chance, aucun matelot ne s'était retrouvé prisonnier de la section isolée.